A 01 47 07 16 17 B 06 50 44 30 14 C 04 35 19 18 00 D 08 10 32 33 35